On va parler de golf. Kevin Fortin-Simard a terminé au troisième rang à Victoriaville. C'est la Coupe Canada à Victoriaville, en fait. Et on lui parle. Salut, Kevin. Salut. Kevin, dans l'ensemble, content quand même de ton résultat? Oui, vraiment. Tu vas finir moins 22, puis tu vas finir troisième. J'aurais été plus qu'heureux. C'est sûr que, fraîchement sorti du terrain hier, quand t'es dans le coup du moment, puis t'as une chance de gagner, puis dans le fond, je me suis donné vraiment des chances jusqu'à la toute fin. C'est sûr que c'était un peu décevant, mais au final, non, très, très, très satisfait de ça. Là. OK. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière ronde? Ça a été un petit peu plus difficile? Ben, pas nécessairement. Un peu plus difficile. Dans le fond, j'ai bien drivé toute la semaine. J'ai soit bien frappé pratiquement là, tout le tournoi. J'ai bien poté toute la semaine. Hier, j'ai frappé un paquet de bons potes, mais il n'y a pas grand-chose qui est rentré. J'en ai fait quelques-uns quand même dans le coup, mais j'ai eu un paquet de chance, puis j'ai juste pas capitalisé, mais c'était pas parce que c'était des mauvaises affaires. Là. C'était des bons potes, juste manquait tout un petit affaire de rien. Fait que c'est ce qui a fait la différence un peu entre un score de 70 et un de 66, là, vraiment, là, comparativement aux journées précédentes, mais au final, j'ai fait un paquet de belles choses, là, fait que c'est bon. Là. OK. Dis-moi, est-ce que c'est quand même, m'a dit en affaire, la compétition était très relevée? Je parlais au père Pierre-Alexandre, il disait que c'était très relevé, là. Oui, vraiment. Ben, tu sais, du moment qu'un tournoi en 4 jours, c'est quand même aussi moins 20, là. Puis, mettons que bon, Vincent Blanchette qui était à moins 19 en 2 jours, quand même, peu importe le terrain sur lequel le tournoi peut jouer, je pense que ça parle un peu du niveau de compétition. Fait que non, c'est ça. C'est que le niveau était très, très, très, très fort. C'est ma première expérience vraiment à Coupe Canada, puis j'ai vraiment adoré. Puis c'est un beau bonus d'avoir été là, dans le plus chaud de la lutte pendant 2 jours comme ça. Là. OK. Là, écoute, c'est quand même surprenant de te voir pareil de... C'est quand même très, très surprenant de te voir pareil en grosse compétition. Oui, ben dans le fond, ça fait quand même une couple de semaines que je jouais du bon golf. Là. Fait que je savais que c'était là. Je me suis pas mené la vie facile depuis le début de la saison, depuis le mois de mars, que je me promène un peu partout, que je compétitionne, que je me mets ça assez dur. Il y a tout le temps des... là-dedans, tu peux toujours choisir le chemin un peu plus facile, un peu plus dur. Il y a des tournois un peu à gauche et à droite. J'ai opté pour prendre le chemin qui est plus tough. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, les résultats, des fois, pareil, c'est un peu moins bien, mais l'apprentissage, la préparation vient un peu avec. Puis je pense que cette semaine, tout s'est un peu emboîté, puis le timing a été bon pour moi. Là. OK. Là, c'est quoi la prochaine compétition pour toi? Je vais être à Sept-Îles dans 10 jours en compétition par équipe là, du nouveau circuit auquel là, j'y prépare là, 2 semaines à Bromont, là, le East Coast Pro Tour. Fait que je vais être là en équipe avec Dave Lévesque là-bas. Okay. Puis tout de suite après ça, je vais être à Montréal sur le Mackenzie Tour à Enbridge là, depuis septembre. Donc je suis encore assez occupé pour les semaines à venir. Fait que ça, c'est une bonne chose. OK. Donc ça fait pas mal que le tour. Tu connais une bonne saison, Kevin, pour ton retour, là, franchement, là, c'est très, très surprenant, là. Ouais, ben je suis bien content. Mettons, je pense que là, c'est un peu comme une genre de une belle petite réalisation ça, cette semaine qui fait en sorte qu'il y a un peu des efforts portefeuille, des petits sacrifices de famille et tout. Je pense qu'on est bien content, on est dans une belle place présentement, puis on va en profiter, puis on va essayer de faire encore des bons résultats, puis s'amuser encore en famille à travers tout ça. OK. Ben, Kevin, on va-tu de très près pour qu'on se rappelle? Merci beaucoup. Le golfeur de Saint-Prime, Kevin Fortin-Simard.